Appuie sur Rec. Ah oui. Ah, heureusement qu'on a un professionnel dans la salle. Faut couper la musique, comment ça se passe? C'est mon métier. Peut-être on peut faire un clap, je sais pas pourquoi, mais on... S'il y a pas besoin. Hein. Bah y'a absolument pas besoin. Bah c'est qui, qu'est-ce qui monte? C'est moi. Ah, y'a besoin de faire un clap. Allez. Bienvenue à tous et à toutes au podcast Viens, on fait des films, le podcast qui t'aide à faire Citizen Kane dans ta chambre. Le numéro d'aujourd'hui est sur les ingénieurs du son. Et pour ce faire, nous recevons Antonin. Bonsoir Antonin. Salut. Bonsoir Antonin. Salut voilà. Antonin. Et je suis évidemment toujours accompagné de mes Zemmour et Nolo à moi. Donc Mathieu. Mathieu, tu es scénariste et réalisateur pour avec le groupe 13. Tout à fait. Bonsoir à tous. Voilà. Et Zemmour pour l'occasion. Alors non, on a dit que j'étais Nolo, ah. Je suis pas Zemmour, c'est chiant, à chaque fois les gens se trompent. D'accord, du drame Nolo. Et du coup, Sartman, bonsoir Sartman. Bonsoir. Voilà, tu es monteur pour la télévision et accessoirement... Et accessoirement, je suis royaliste, hein, comme Zemmour. Hein. Ça part très bien. Première question Antonin, qu'est-ce que le métier d'ingénieur du son? Mais déjà, on s'est mis tout à l'heure d'accord sur le terme ingénieur du son qui était pas bon en fait. Donc, on s'est pas mis d'accord, ouais. Voilà. Ingénieur du son en fait, Ingénieur du son en fait, ça veut pas dire grand chose, c'est un peu un mot valise parce que ça regroupe pas mal de métiers. D'accord. Si on se cantonne au cinéma, c'est autant le mec qui prend le son sur le plateau que le mec qui va faire le montage son. On en reparlera peut-être, que le mixeur, voire le perchman, etc. Donc tout ça sont des gens qu'on appelle un peu vulgairement ingénieurs du son. Voilà, mais en même temps, voilà, je vais me lancer dans un projet court-métrage ou web-série, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre le son, voilà, je sais pas tout ça, par exemple. Bon, ouais. Alors qu'est-ce que je fais? Je passe une annonce pour demander à un ingénieur du son. Tu seras tout à fait compris, il n'y a aucun problème. C'est juste que ça désigne beaucoup de monde à la fois. Donc il faut que tu dises, je cherche un ingénieur du son pour mon tournage de telle date. Ou alors je cherche un ingénieur du son pour mixer mon film qui a déjà été tourné. Parce que pour la post-prod, c'est aussi un ingénieur du son qui intervient. C'est ça. C'est, ouais. Bah alors justement, déplions un petit peu le Donc le, on dit un sondier. On peut dire un sondier, mais c'est des choses qui sont généralement réservées à... Ouais, c'est familier déjà. Et c'est généralement réservé plutôt à la sonorisation, donc des gens qui s'occupent des concerts, par exemple. Ah. Là, sur un tournage, on peut pas dire sondier, du coup. Bah, tu peux dire sondier, le mec, ça le fera rigoler, quoi. Ouais, mais, d'accord. Mais, voilà. Donc, je recrute mon équipe et l'ingénieur du son, du coup, qu'est-ce que je fais si ils arrivent à deux? Tiens, je sais pas pourquoi. Bah, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une équipe son. Donc, on a la première personne qui est le chef, qui est l'ingénieur du son, qui aura, lui, l'enregistreur et qui est le référent du son. Et son copilote, son pote, son wingman, le perchman, qui va lui s'occuper de la perche et uniquement de la perche. Tenir juste le micro. Et de tenir voilà, le micro. De mettre le micro. Mais qui peut aussi avoir un casque et avoir un retour lui-même sur le il son. Il peut tout à fait avoir un retour, mais c'est lui qui décide et il y a beaucoup de perchman qui n'aiment pas ça. Il y a des perchman qui travaillent sans casque. Et surtout, ouais, parce que son rôle, c'est très visuel en fait, c'est de mettre le micro le plus près possible c'est de ça. La bouche c'est des gens. C'est des gens qui ont des compas dans l'œil parce que, on va peut-être y venir, il faut savoir quelles sont les valeurs à l'image. Si on est sur un gros plan, il va pouvoir s'approcher beaucoup plus proche de la bouche que si on est sur un plan large où il va devoir éloigner forcément sa perche. Généralement, l'ingénieur regarde le cadre et va placer son perchman. Voilà, mais souvent, enfin, quand on a un perchman de grand talent, oui. instinctivement, il sait, enfin, s'il connaît la valeur de l'objectif, c'est une focale 33 mm, et qu'il regarde la caméra, il sait que, ah ok, le cadre, c'est à peu près ça, et il va aller se placer au bon endroit tout de suite. Évidemment, il est tout à fait dans son droit quand il demande ce qu'on appelle bord cadre. Qu'est-ce que c'est un bord cadre? C'est le moment où le perchman va rentrer dans le cadre avec sa perche, et puis ensuite il va monter jusqu'à ne plus être dans le cadre, et ça va définir une limite pour lui qui sera la limite la plus proche à pas atteindre. Ce qu'on fait généralement avant que le réalisateur ait dit action, c'est préconisé même. Si on le fait après, c'est que ça s'est mal passé. Voilà. Parce qu'on voit souvent des perchemans dans le champ, ça arrive, ça arrive et c'est souvent pas de leur faute. Voilà, ouais. C'est souvent par de leur faute parce que c'est souvent des plans qui bougent, donc c'est tout à fait, c'est tout un art entre le cadreur ou le steadicammer ou n'importe quoi et le perchman de jouer ensemble. Voilà, vous jouez de concert avec l'image. Absolument, avec l'image et avec la lumière, parce que le problème c'est pas seulement d'avoir la perche, voilà, sans les ombres, c'est les ombres. Putain, non, on y arrive. De perche. On arrive assez vite, voilà. Mais on y arrive, donc, en effet, donc, ça fait le problème. C'est-à-dire les ombres de perche, pour des gens qui ne savent pas. Eh ben souvent, donc, dans le cinéma, on va éclairer une scène, donc il y aura plusieurs sources d'éclairage, et en approchant la perche, on va pas forcément avoir la perche dans le champ, mais par contre, si la perche passe devant une lumière, elle va projeter une ombre qui va peut-être se voir à l'écran. Voilà. Et puis qui fait pas du tout branche ou, enfin, je veux dire, c'est très, voilà, c'est une barre quoi. Donc forcément. C'est une barre avec un micro au bout, donc voilà. À un moment donné. Ça, donc c'est pas bien. Il faut éviter ça absolument. C'est du ça. Coup. Donc c'est un travail d'équipe. C'est, ça dépend autant de la qualité du perchman qui sait bien se placer, mais aussi du mec à la lumière qui aura fait en sorte que ce soit pas trop difficile pour le perchman, c'est-à-dire bien sûr, évidemment, on appelle ça donner un chemin de perche. Le chef opérateur fait donc attention à comment placer la lumière. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qui se passe. Bah, généralement, ça arrive après quand on voit qu'il y a des ombres. Du coup, le chef op, faut négocier. C'est ça. Bouge ton projo. Et exactement. Tout, il y a une négociation. Réellement, ça se passe plutôt comme ça. Voilà, il y a une négociation. En tout cas, il y a une négociation et. Finalement par le réalisateur qui exactement. Dit bah là c'est la perche, c'est le son qui compte le plus pour cette scène, tu comprends. Voilà, c'est ça. Et pareil. Puis ça joue aussi avec le cadre, c'est-à-dire que si le cadre est large, ça donne beaucoup moins de possibilités au perchman de s'approcher et donc d'avoir une prise de son de qualité. Je vais rebondir sur ce que tu as dit en fait pour parler un peu de post-prod, parce que là on parle que des dialogues, mais vous êtes également responsable de tout l'habillage sonore en fait. Et c'est pour ça que vous demandez des sons seuls en fin de journée pour on pouvoir. Demande des sons seuls. Voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qu'un son en fin seul de journée ou pas? Oui, pas tout. D'ailleurs, c'est vrai. Pardon. C'est, pardon. Un vieux réflexe. En fin de séquence, généralement de décor. Enfin. C'est ça. Donc, déjà, peut-être qu'il faut un petit peu recadrer quelle est la mission du perchman et de l'ingénieur du son sur le tournage. Voilà. Avoir le son le plus propre. Possible. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir le son le plus propre? Sans interférence, sans bruit d'avion. Okay. Sans... En fait, le truc, c'est que l'équipe du tournage, au son, j'entends, sa mission, c'est de préserver le dialogue. C'est sa mission numéro 1, c'est 99,9% du taf. Voilà, ok. C'est ça. C'est d'avoir les dialogues qui soient audibles et exploitables. Et là, bon, on n'a jamais dû tirer deux fois, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, c'est mon petit péché mignon. Une fois que la bête est décédée, elle se dirige, enfin on la dirige étant donné qu'elle ne marche plus. Écoute, si tu commences à faire chier avec ta torche, ça fait depuis le début que tu m'en mets. Tu m'as déjà foulé la gueule là-bas. Ça va suffire maintenant, t'as plus d'axe à faire toi. Excusez, je suis arrivé nerveux, je sais bien, tout est pas de votre faute, mais j'ai l'impression qu'on m'a donné les deux clous de l'IRD, alors le fond du panier. Hein. On s'occupe pas du tout de tout l'habillage sonore, on s'occupe de, comme je te disais, la prise de son des dialogues, premièrement, et ensuite, effectivement, on fait ce qu'on appelle des sons seuls, qui sont des sons qui vont être très utiles, voire indispensables, en post-production pour le mixage et le montage son. Voilà. C'est-à-dire des sons... Alors, qu'est-ce que c'est que le son seul? Comme son nom l'indique, c'est un son que tu prends sans l'image. C'est par exemple ce qu'on appelle des fonds d'air ou des ambiances. C'est quoi? C'est on va demander au plateau de se taire, de faire le silence absolu, et on va prendre 1 à 2 minutes de silence. C'est ce qui va permettre ensuite de lier les dialogues entre eux avec une ambiance homogène. Voilà, parce que si c'est pas là, en fait, tu t'en... Enfin, c'est... On s'en rend compte, en fait, il y a voilà, des trous, c'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse, c'est assez moche. Voilà. Il faut homogénéiser. Là, c'est le monteur qui intervient pour expliquer, parce que du coup, le monteur, lui, après, quand il prend une prise, il va prendre différentes prises d'une même scène qui ont parfois été tournées à différents moments et effectivement, il n'y aura peut-être pas exactement la même couleur sonore. Et donc, lui, il colle ça en fonction d'un certain rythme, en fonction d'un certain jeu du comédien. Mais effectivement, après, on a perdu peut-être de l'uniformité au niveau sonore, okay. Vu qu'on a pris plein de blocs par-ci, par-là. Et donc, c'est pour ça qu'après, ouais, derrière, c'est important de pouvoir aplanir tout ça, uniformiser tout ça. C'est important de dire parce qu'à l'écriture, tu n'y penses pas forcément. Donc alors ça, que, bon, c'est ça primordial. C'est primordial. C'est primordial. J'ai entendu primordial. Ouais, c'est très, très important, ça. C'est très primordial, attention. C'est ça. Il faut faire des sons seuls. Il faut faire surtout ce son d'ambiance. Et Ensuite, on peut aussi faire d'autres sons seuls qui seront des bruitages ou des bruits de déplacement. Parce que comme on se concentre tellement sur la voix, parfois, quand quelqu'un marche sur un parquet ou quand quelqu'un dépose un objet quelque part, ce son-là, on ne l'a pas bien capté parce qu'on était concentré à mettre le micro au bon endroit pour la voix. Alors qu'il faut entendre ce bruit de pas. Alors que ces bruits de pas peuvent être intéressants à avoir et à jouer par la suite dans le film. Donc, on va ensuite les refaire, prendre à part ces sons, où on va pouvoir approcher le micro aussi près qu'on le souhaite, et sans s'occuper de l'image et du cadre, et faire une prise très propre qui pourra ensuite être montée par soit le monteur, soit le monteur son. Voilà. Donc, il y a un troisième type de son seul, qui est ce qu'on appelle les repiquages ou les repiques. C'est si on n'est pas content, pour des problèmes techniques par exemple, d'une captation d'un dialogue, on va pouvoir demander à l'acteur, sans l'image et donc en approchant le micro, de refaire une phrase, un dialogue. Hold it! What? I still have to record room tone. I'll need 30 seconds of silence. Okay, all right, everybody, 30 seconds of silence. Room tone? I'm gonna talk to you. What's room tone? Just have to be quiet, Mom. Shut up! It's for the sound. The sooner we do this, the sooner it's finished with, okay? Quiet! Now, nobody move! Roll sound. Speed. Scene 6, room tone, rolling. Bon, bah mettons, voilà, tournage, tout va bien, tout le monde est à l'heure, super, les comédiens sont motivés et tout. Et puis là que les avions ne s'arrêtent pas de passer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors déjà, un petit message aux réalisateurs quand ils font du repérage. Souvent, ils adorent faire du repérage et trouver un endroit incroyable, super, à l'image, c'est incroyable, mais ils tendent pas l'oreille. Ouais. C'est super important, ouais, en repérage, de tendre l'oreille, de voir quel est l'environnement sonore et est-ce qu'on peut travailler dans cet environnement-là. S'il y a un train qui passe à côté, par exemple. S'il n'y a pas un train, une autoroute, ou et des avions, mais des camions, ou des choses comme ça. Et c'est important de noter le jour auquel on fait ce repérage. Ouais. Si tu fais tes repérages un dimanche à côté de Rungis, peut-être qu'il y aura moins de bruit que ce que tu crois. Qu'un lundi à 9h, quoi. Je suis en train de taper sur ça. Donc, attention au repérage, c'est d'abord la responsabilité... Faut dresser l'oreille, si je puis dire. Exactement. C'est d'abord leur responsabilité d'avoir un truc à peu près OK. Voilà, pour accueillir le tournage. Voilà. Exactement. Bon, maintenant on est dans la merde. Voilà, et là, donc peut-être on refait. Bah, soit tu fais avec, soit tu te précipites de ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, sur la post-synchro. Enfin, tu refais les dialogues après. Enfin, il faut éviter, enfin, à mon avis. Ça, il faut éviter quand t'es autoproduit. Alors, même quand t'es produit, c'est un gouffre de dépenses. Ouais, pourtant, il y a l'école italienne, là, tous les grands réalisateurs. Oui, mais non, mais. Qui faisaient tous leurs films en. C'est vrai. Tout le son de leur film. On notera que c'est pas du tout la culture française, par contre. Oui, voilà. Non, mais même il y a beaucoup de blockbusters qui font ça. Fin... Oui, ah, complètement. Sauf que là, c'est pas le même charme que dans les films. Alors, déjà, il y a beaucoup de blockbusters, oui, pas tous, néanmoins. Et de moins en moins, les Américains se démerdent de plus en plus pour avoir du son direct. Ouais. Absolument. Et surtout dans même les séries. Même sur Captain America. Pas sur Captain America. Voilà, je pensais moi justement à Avenger. Mais Captain America, voilà, aucun son direct. Il n'y a probablement aucun son direct. L'action pendant 2 heures. Oui. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il y a des grosses machines dont ils ont besoin au moment du tournage, qui sont des ventilateurs, qui sont des grues qui font du bruit. Et de toute façon, les plans sont extrêmement larges pour avoir plein de fonds verts dans tous les sens. Mais c'est donc la mort du métier ? C'est la mort du métier. Et non, parce qu'aux États-Unis, il y a le syndicat qui t'oblige avoir une équipe de prise de son. Mais qui ne bloque plein de rien pour ce moment. Ils font des sons témoins. Blague à part. Ils essaient de se placer sur Avenger et tout parce qu'ils savent que c'est. Blague à part. Ils vont vendre. C'est une niche. Alors, blague à part, en réalité, non. C'est super important même d'avoir du son témoin de la qualité optimum. Oui. Pourquoi ? Parce que quand tu fais de la post-synchro, les comédiens vont s'appuyer. Alors, la post-synchro, c'est donc le fait du comédien. Qui refasse le dialogue. Se double lui-même, exactement. Voilà. Il fait son propre dialogue. C'est un peu hasardeux. Donc et lui, il a besoin de se remettre dans le même état. Et donc, avoir une prise de son qui soit pas super dégueulasse, ça va lui permettre. Ça n'empêche pas l'acteur de jouer correctement. Exactement. La prise, bien sûr. Et donc, ça, on est d'accord, pour ce qui est notre cadre dans ce podcast. Ça n'existe pas. Bien, on fait des films pour les tournages un peu fauchés, tout ça. On va privilégier les sons directs, de tout faire en live, on est d'accord. Alors, on est complètement d'accord. Ouais. D'autant plus que, en fait, la post-synchro, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que tu vas d'un côté avoir ton son que tu considères à peu près correct au moment où tu as fait ta prise d'image, puis le moment où ça ne va pas et où tu es obligé de faire la post-synchro. Voilà. Ok ? Ce moment-là, tu vas essayer de le faire en studio, ça va être super propre, mais alors par contre, ça aura rien à voir avec, avec les trois c'est pas la même énergie. Faudra tout refaire alors du coup. Faudra tout refaire. Donc t'es battu tout de suite. Ouais. Donc non. Bien sûr, mais il faut éviter d'être battu sur le tournage, c'est ça la règle d'or. Et pour le coup, enfin, pardon, c'est personnel. Hein, je dis pas que c'est une vérité absolue, mais j'avais à l'école de cinéma, on nous disait toujours, on oublie le son. Et putain, j'ai constaté à chaque fois, oui, dans mes expériences, que putain, oui, on oublie le son. Donc c'est important peut-être tout de suite qu'il y ait ce réflexe. Alors, soit c'est des êtres à part, et ça, tu vas nous expliquer pourquoi. Antonin. Vous êtes à la radio, mais quand vous voyez Antonin, en vrai, c'est vrai un qu'il être est, à part. Il est très étrange. Mais non, mais voilà, soit c'est un métier à part qu'il faut prendre avec tous ces aspects, ou bien il faut prendre tout de suite le réflexe de penser également au son dans ta journée, dans ton plan de travail, tout ça. Alors la réponse est simple, il faut tout de suite prendre en compte le son. Il y a pas de magie, et si tu le fais pas, tu vas être dans la merde, voilà. et tu vas avoir un ingé son qui va être triste et qui va pleurer. Et puis le dos en bah, le réalisateur aussi. C'est enfin. L'image et alors, du son, oui, mais voilà. Alors justement, voilà, c'est ce que disait un prof de cinéma. Le cinéma, c'est de l'image et du son, mais c'est une phrase toute conne, pardon. Mais en même temps, c'est important. Égalité d'importance. Et même, mais le son est même parfois plus important parce que je rappelle pour les gens que ça fait, l'œil, il ne voit qu'une seule chose. Les oreilles, elles peuvent entendre plein de choses en même temps. L'œil, il voit qu'une seule image en même temps. Ah oui, oui, bah oui. Les sons, tu peux avoir plusieurs sons en même temps. Donc, enfin, c'est tellement important la narration aussi par. Alors par la question, c'est alors, pourquoi on oublie. Pourquoi les gens oublient le son sur le tournage ? Voilà, en fait, pourquoi, la réponse est assez simple, parce qu'on est dans le meilleur des cas 2, dans le cas le plus souvent 1, et que sur un plateau de tournage, il y a tout de suite 20 personnes au minimum. Donc d'accord. On oublie le son parce qu'on est une très petite équipe. Mais c'est pas mais pourquoi il n'y a pas le réflexe de « ça y est, on a shooté l'image ». Parce que l'image, ça met 2 heures à se mettre en place. Ah, c'est un message. Là, il faut couper, il y a un bruit parasite. Il faut que j'aille dans la cuisine. Attends, on va faire un sans-sel du message Messenger. Parce que là, du coup, t'as reçu un message Windows, ça a bloqué le podcast. Ah, on va faire un sans-sel immédiatement. J'en profite pour aller dans la cuisine chercher des virus. Au son, on est une toute petite équipe, on est 2. Dans le meilleur des cas, et voire seul, et que aussi il y a beaucoup moins de temps de préparation. Alors ça peut paraître con, mais ça veut dire que à la lumière, en fait, on met 1 heure, on met 2 heures à se mettre en place, le cadre, les acteurs, machin. En fait, il y a beaucoup de monde sur un plateau, il y a beaucoup de monde et beaucoup de choses qui se passent. Et d'être une petite équipe et d'avoir très peu de temps de préparation fait que on est discret, en fait, tout simplement. C'est ça, mais j'allais dire qu'on les oublie, en fait. Ils sont, ben voilà, oui, ils font leur taf et... Voilà. Non, donc, mais vas-y, pardon, fini. Non, mais et c'est pour je, ça, je c'est expliqué pourquoi c'est, on. C'est, bah, c'est, alors, bah, on va dire, ça explique une part de cet oubli, et l'autre part que je pense est peut-être au moins autant importante, c'est que les réalisateurs, souvent, c'est des gens qui sont soit très proches des comédiens et de l'acting, soit très proches de l'image parce qu'ils ont toujours fait de l'image, mais par contre, le son pour eux. Ils sont jamais proches du son. C'est pas qu'ils sont pas proches, c'est qu'ils ne connaissent pas le domaine. Le son est un domaine qui n'est pas très connu des réalisateurs. Et donc. Ouais. Ils s'occupent de choses qu'ils connaissent. C'est-à-dire que la mise en place de la lumière, la mise en place du cadre, la mise en place des comédiens, le fait qu'ils jouent bien ou mal, etc., les indications à leurs comédiens. Mais le son est un espèce de comment dire, une... Il n'y a aucun réalisateur qui vient te voir qui te dit « Là, j'aimerais un son un peu grave. » Ça n'existe pas. Oui, en fait, il y a une base de connaissances de ce domaine qui est beaucoup plus faible chez les réalisateurs et donc ils ont tendance à l'oublier. Ouais. D'accord, ça expliquerait. Il y a deux bonnes raisons, effectivement, voilà, d'oublier. Au moins il y a un exemple, on dit souvent elle est bonne, on demande au chef opérateur si la prise est bonne, il te dit oui, du coup on dit plan suivant, alors que. Non, il y a l'ingénieur du son, Ah, bah non, non, pas du tout. Il y avait, pour il y moi, avait il était un pas génial. Les gars, voilà. Vous avez pas entendu. Ouais. Ouais, la comédienne a fourché trois fois. Ouais. Voilà, et personne n'a vu, personne n'a non, entendu. Non, mais à la limite, quand elle a fourché, tout le monde s'en rend compte. L'ingé son entend des sons que toi, t'entends pas en fait. Alors, il y a aussi une règle, c'est que l'ingé son a le droit de couper la prise. Hein. Tout comme le chef opérateur, l'ingénieur du son a le droit de dire on coupe là, je peux pas enregistrer. Et puis moi, j'ai cet exemple souvent où souvent, on croit tous que la prise s'est bien passée. Il y a l'ingénieur du son qui va te dire ah ouais. Sur tel mot, bon, c'était un peu moyen, ou il y a eu une mauvaise liaison, un truc comme ça. Enfin, vu que lui, il est concentré sur ça et que sur ça, eh ben, oui, il va pouvoir te dire s'il y a un truc. Il est concentré sur ça et surtout, il a un retour plus proche que vous, puisqu'il entend la perche, voire le HF. Et nous, le reste de l'équipe, entend le son direct, le son ambiant. Quoi. Je voulais revenir là-dessus. En fait, c'est assez important parce que le réalisateur, il regarde soit la scène visuellement, soit un retour donc, de ce qui se passe au cadre. Et en fait, on peut contrôler et voir si tout se passe bien dans un cadre. Or, le son, la problématique du son, voire... c'est pas forcément une problématique, mais une des particularités du son, c'est que ça se joue aussi hors cadre. S'il y a un hélicoptère qui passe, tu ne peux ne pas l'avoir vu au cadre, tu l'auras toujours au son. Donc quelque chose qui est parfaitement contrôlé d'un côté, l'image, peut ne pas l'être complètement de l'autre, au son. Okay. Le réalisateur peut avoir un retour aussi du son. Il peut avoir un retour. Quand on est bien équipé, oui. Mais là, je rappelle que... On est sur une web série fauchée. Voilà, et donc ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, mais c'est bien dommage de ne pas avoir justement un retour au son. Quand tu réalises un truc, tu te rends compte. Mais si, il y a une immersion qui est complètement différente. Il y a une immersion qui est différente. Après, étant donné que on a des rushs assez, on va dire bruts de décoffrage, l'ingénieur du son va réussir à faire la part des choses entre ce qui est normal et qui peut pourtant gêner, mais ce qui est normal et ce qui est bon ou moins bon. Tandis que avec un retour un peu brut. Le réalisateur, lui, peut être déconcentré par des choses... Par des bruits parasites, oui. Par des bruits de bouche ou des choses comme ça qui peuvent le déconcentrer alors que l'ingénieur du son sait que ça ne posera pas de problème par la suite. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer, d'autres qui n'aiment pas l'avoir et c'est compréhensible aussi de ne pas avoir ce retour en tant que réalisateur. C'est pas un truc dont... Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par rapport justement aux acteurs, tu parlais de HF tout à l'heure, c'est-à-dire des fois donc, tu équipes les comédiens de micro HF, alors HF... C'est-à-dire les comédiens, donc on va parfois, quand nécessaire, notamment sur des plans larges où on ne peut pas approcher la perche autant qu'on voudrait, cacher des micros dans leurs vêtements. Ces micros, on va les relier à des petits boîtiers qui sont sans fil, liés à l'enregistreur. Okay ? Ok. Et ça va nous permettre d'avoir un son beaucoup plus proche, alors qu'on a un plan large et qu'on ne peut pas rapprocher la perche autant qu'on le souhaiterait. Voilà, donc les comédiens sont très très loin. On filme de très loin et pourtant tu les entends comme s'ils étaient à côté. Si le dialogue est capital, c'est par exemple. HF, c'est-à-dire sans fil, hein, c'est ça. C'est voilà, c'est ça. High frequency, non, c'est high frequency, ouais, en fait. Ça, ouais. Parce que c'est le mode de transmission haute fréquence. Le son est transmis par les ondes et pas par un câble. C'est ouais. Ça. Comme la radio, FM. Tout à fait. Voilà, un exemple qui parlera. C'est ce qu'il y avait avant le podcast. Voilà. D'ailleurs, souvent, petit message au réalisateur. Les réalisateurs sont souvent... Acheter des piles. On n'a pas assez de piles. Non. C'est pas ça. Je m'en fous. Tu t'en fous. Non, si, ça peut arriver. Les gars, on peut pas... La bonne ingénieur du son a prévu des piles pour son voilà. HF. C'est peut-être le moment de le placer, ça, effectivement. Prévoir des piles pour le HF. Parce qu'on peut perdre un temps fou hein, sur cette histoire de piles, on est d'accord. On peut perdre... Sans le vécu. On peut perdre un temps fou. Aujourd'hui, il y a des piles rechargeables qui fonctionnent beaucoup mieux qu'avant. Bim. Et c'est sympa d'en avoir, et c'est sympa qu'elles soient chargées. Oui, c'est mieux. Chargez vos piles. Premier conseil de ce podcast, chargez vos piles. On ne dira jamais assez, chargez vos piles. Et doublez ce chargement de piles industrielles classiques. Pourquoi ? Parce que des piles rechargeables, donc aujourd'hui, elles fonctionnent et elles sont absolument reliable, je ne sais plus comment elles sont. Reliable Bluetooth ? Réutilisable. Non, mais on peut compter sur elles. Comment, We can count on this. Elles sont courageuses, elles sont elles sont confiantes. Non, attends. Ouais, c'est ça. T'as l'idée là. Oui, j'ai l'idée. Elles sont. Bankable. On peut avoir confiance en elles. Elles c'est sont. Ça. Elles comme, sont. Ouais, plein de gens. Oui. Elles sont. Ah putain. Ils n'aident pas beaucoup. Toi, Mathieu, t'es un peu relatable. On peut complètement. On me surnomme Duracell d'ailleurs. Dans non, mais ça, alors, pendant que vous cherchez votre mot, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, à la télé, les ingé-sons consommaient une quantité effroyable de piles. Tous les jours, il y avait plein de piles qui partaient dans des petits containers qu'on livrait avec, parce que c'est des piles qui étaient pétées. Et moi, j'avais demandé, genre, mais les gars, pourquoi on n'utilise pas des piles rechargeables, enfin, et il m'avait dit, non, parce qu'on... Oui, mais tu as raison, c'est une révolution. Mais quel génie! Et c'est là que j'ai lancé des piles rechargeables. Eh oui. Et il m'avait dit, non, les piles rechargeables, ça se recharge pas si bien que ça, et ça dure moins longtemps qu'une pile normale, et on pouvait pas compter dessus. Alors là, tu es en train de dire que ça c'est en train de changer. Alors, ça a pas mal changé. Mais ce que je dis aussi, c'est toujours avoir des piles normales avec soi aussi, parce qu'on n'est jamais aussi à l'abri d'une erreur, d'un mauvais chargement. Ça, ça peut arriver. Ouais. Un mauvais chargement, tes piles, elles durent 10 fois moins de temps que ce qu'elles auraient dû, et tu te retrouves dans la merde si tu n'avais rien. Donc toujours avoir un stock de piles, mais que tu n'utiliseras dans le meilleur des cas pas. Mais des piles de secours. Des piles de secours, exactement. Toujours avoir un bateau. Mais par contre, aujourd'hui, oui, ces piles sont vachement efficaces et beaucoup moins chères quand tu n'as pas une thune. C'est une évidence. Intéressant, ça va parler à beaucoup de nos auditeurs. Voilà. Mais par contre, attention, c'est des piles qui se rechargent extrêmement lentement. On parle de 10 à 15 heures de charge. La nuit avant le tournage. La nuit avant le tournage. Mais c'est avant d'aller dormir, quoi. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire « Ah, je vais pas charger mes piles, je vais mettre sur mon chargeur. » Ah ouais, il faut pas recharger les 4, quoi. Il faut pas en avoir 4 pour toute la journée de tournage. Pas trop gourmand. Voilà. Mais donc, tu peux te démerder pour n'utiliser que des piles rechargeables. Aujourd'hui, ça marche vachement bien. Pourquoi à la télé ils le font pas? Parce qu'à la télé ils peuvent pas se permettre d'avoir oh mince on a mal rechargé ces piles et elles ont coupé au milieu. Non. C'est ballot, c'était dans le direct. C'est ça. Voilà. Tandis qu'au cinéma on a cette chance de pouvoir dire ah les piles. Attendez, je dois changer mes piles. Ah, les piles ont pas marché cette prise, on va en refaire une. Voilà. À la télé c'est plus compliqué. Alors c'était la scène la plus dramatique du film et l'ingénieur du son n'a plus de piles. Si c'est la scène la plus importante, si c'est la scène la plus importante, si c'est un plan séquence, je vous invite à changer vos piles avant ce plan-là. Voilà, ça évitera des conneries. On peut faire un lien, mais sur la place aussi. Moi, j'ai vu sur un tournage, c'était à la caméra, mais pendant la prise où tout le monde chiale, il n'y a plus de carte. Il n'y a pas plus enregistré. Ah non! Après, alors, sur le son, c'est moins vrai, parce que ça prend beaucoup moins de place aussi. On a moins ce problème. Alors, surtout, c'est abusé de la part du cadre, parce qu'il est censé voir avant que... Attention, là, j'ai plus de 30 secondes sur ma carte, j'ai peut-être changé de carte avant. Très bon, mauvais. Ah, dédicace à Sophie, qui était sur On est sur un mauvais cadre. Non, mais après, comme dans tous les tournages, il y a 1 million d'erreurs qui peuvent être possibles. Donc, essayons, dans la mesure du possible, encore une fois, de les éviter en amont. Et c'est ça qui fait qu'un tournage se passe bien, c'est d'anticiper les erreurs qui vont être... On y revient, la préparation. Voilà, absolument. Ça devient la constance... La constante. La fameuse. La constante de ce podcast, la préparation. Préparez-vous. Préparez les trucs. Question suivante sur les... Attends, je voudrais revenir sur les HF. Alors tu peux, maintenant. Maintenant tout de suite. Allez, c'est let's maintenant. Go. Souvent, les réalisateurs qui s'y connaissent un petit peu, genre ils font style et tout... si, on sait pas de qui tu parles, mais ça peut arriver qu'il y ait enfin, des bref, gens comme ça. Généralement, en fait, les réalisateurs, ils pensent que les HF sont, primordiaux. Primordiaux, mais déjà, c'est une connerie, je pense, c'est ça. Un micro HF. Très bien, très bien. Ah, on avait une intervention de Maître Capello. Maître Capello qui nous signifie un truc. Non, mais genre, parfois, dites, si je suis là. Parfois, en gros, le réalisateur peut me dire genre « Ah non, mais c'est bon, on a les HF, donc tout va bien. » Ok. Ah. Sachez que dans la tête d'un ingénieur du son, le HF est un bonus ou une sécurité. Bah oui, voilà. Tu ne veux pas prendre le son par le HF. Ça sera toujours compliqué et chiant. Parce qu'il y a des tissus qui grincent. Parce qu'il peut y avoir... Alors, ça grince rarement. Non, mais grincer, pardon. Si ton tissu est en métal. La balle, oui. Le mot était mal choisi, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, il y a des tissus qui frottent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, souvent, on les met sous le vêtement. Et du coup... D'où le frottage. Oui, d'où le frottage, mais d'où aussi une perte des aigus. Il faut savoir que, voilà, bon... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on entend moins bien. Qu'est-ce que c'est une fréquence? On entend, nous, avec nos oreilles, des sons graves et des sons aigus qui correspondent à des fréquences. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Okay, okay. Et plus la fréquence est haute, plus le son est aigu. Donc ça, c'est la base. Donc, et on entend, nous, entre 20 et 20 000 Hz. 20 Hz et 20 000 Hz. Okay. Hz étant une fréquence. Les chiens, par exemple. Nous, l'oreille humaine, tu veux dire. Ils entendent des nous, sons nous, les humains, les oreilles, oui. Voilà, ok. Les chiens, ils entendent des sons qu'on n'entend pas. Donc on appelle ça les ultrasons. Voilà, ils ont une fourchette plus élevée. comme ça, là. Ça n'est pas un ultrason. Vas-y, refais-nous l'ultrason. À partir du moment où tu l'entends. Ah, mon oreille saigne, arrête, arrête. Donc, on a l'oreille absolue. D'un côté, les ultrasons, donc c'est les sons qui font plus de 20 000 Hz et qu'on n'entend pas dans les aigus. Et d'un autre côté, les infrasons. Qu'on n'entend pas avec nos oreilles, mais qu'on peut ressentir avec notre corps. C'est le truc qu'on aime bien dans les concerts, les grosses basses qui font vibrer les trucs. Ah oui, les intrations combien ? Infrasons. Mais putain, on apprend des choses, c'est cool. Quand t'as passé la nuit en boîte, après que tu vas dormir, et que ça continue à boum, boum, boum dans tes oreilles, ça c'est l'infrason qui continue à vibrer ton corps. Non, ça c'est de la musique de merde, à mon avis. Et pour finir sur cette toute petite parenthèse, en fait, ce qui se passe, c'est que les sons aigus, donc dans les hautes fréquences, ils sont très vite atténués. C'est-à-dire que quand tu essaies d'écouter la conversation à travers une porte, comme tout le monde l'a fait, évidemment, tu n'entends que les graves parce que les sons sont les hautes fréquences sont absorbées par la porte. Voilà. Donc les hautes fréquences sont beaucoup plus rapidement absorbées. Et donc quand tu caches un micro sous un vêtement, les basses fréquences, donc la partie grave du son va passer naturellement, mais par contre les hautes fréquences, elles vont être retenues par les vêtements, et donc on va avoir un son un petit peu comme ça. On perd en qualité, quoi. On perd en qualité. Quand on n'a pas avec un gros micro. C'est ça. C'est des choses qui vont pouvoir en partie être récupérées, mais difficiles, et c'est toujours chiant d'avoir à faire ce genre de traitement. Il est moniteur de plongée sous-marine et s'occupe d'œuvres charitables. Claude, vous avez fait une étude très poussée sur le grand requin blanc. Avez-vous vérifié cette théorie du territoire délimité? Oui, cette théorie est très exactement révélée de l'ancienne. En ce qui me concerne, vous en aurez peut-être toujours dit que je me fais loin d'un col. Moi, il change de territoire. Alors, je rebondis là-dessus. Il me semble que sur la web-série de Sartman, tu avais un petit peu déploré le fait que donc, le studio, le cockpit d'un vaisseau construit en décor. Un vaisseau spatial, on peut parler de vaisseau spatial. Hein. Tout à fait. Mais que, voilà, donc, que la salle ne soit pas entièrement couverte. Le plafond n'était pas construit, et du coup, c'était haut de plafond. Alors le fait que ce soit haut de plafond n'est pas forcément négatif. Oui. C'est le problème, c'est un peu la matière dont est faite la pièce aussi. Donc en fait, en son, comme j'en parlais un petit peu au début, le son, le hors-champ, a un impact sur le champ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ce qu'on ne voit pas. Bah donc sur Super Loin, on tournait dans un endroit qui avait beaucoup de réverbération. La réverbération, c'est le temps que met le son à décroître après que quelqu'un ait parlé. Et donc, on avait ce problème-là, ça s'entend assez fort et c'est plutôt mauvais pour la prise de son. Alors, et pour tu aurais préféré, dans l'absolu, évidemment, dans l'idéal, une pièce entièrement borgnolée, c'est-à-dire... On a des outils pour couper la réverbération et faire une pièce un peu plus ce qu'on appelle mat, c'est-à-dire une pièce dans laquelle il n'y a pas de réverbération et donc où ça sonne, on dit plus, c'est plus sec. Okay. Avec des boîtes d'œufs sur les murs, ça marche ça ou pas ? Si tu veux, alors ça peut marcher, il faut les remplir de laine de roche. C'est pas que la boîte d'œufs. Mais par contre, c'est aussi une super bonne idée pour faire cramer ta baraque. Ah, très bien. Ah oui. Mais voilà, podcast d'utilité publique parce que je me disais. Arrêtez avec les boîtes d'œufs. Arrêtez. C'est devenu un cliché, tu vois. Dès qu'un mec fait un peu du son chez lui, tac, il a des boîtes d'œufs. La bonne mousse. Aujourd'hui, il y a de la mousse qui est pas trop chère. Ouais, c'est mieux. C'est pas la panacée, mais ça marche. C'est pas la panacée déjà, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas la panacée, mais ça marche très bien. Bah, c'est pas incroyable, c'est pas magique. Oui, mais voilà. Mais ça marche. D'accord. Je sais pas si je vais garder ça. Du coup, alors attends, tu veux encore vas-y. On prend un petit peu sur Super Loin. Donc il y avait ce problème-là, et surtout Super Loin est une web série qui se tournait en plan séquence et en plan large. Donc en fait, souvent nous les ingénieurs du son et pensez-y, les réalisateurs, on adore les plans serrés parce qu'on peut se rapprocher. Ben oui. Et on adore notamment que les dialogues se fassent en plan serré. Parce que si vous faites votre dialogue uniquement en plan large, on sera super loin et on ne pourra pas capter votre dialogue. Et là tu sais encore parce que tu avais des plans larges et des plans séquences et plusieurs comédiens dans le cadre. Donc plusieurs sources différentes à prendre en même c'est temps. Ça. Enfin, et de la réverbération. C'était un plaisir. Donc on a utilisé massivement des HF, mais c'est clairement une solution de secours. Quoi. Enfin, c'est une solution qu'on n'aime pas utiliser de prime abord. Ouais, et voilà, et toujours dans le cadre de dire pour les tournages qu'on n'a pas trop de pronoms et tout. Et du coup, oui, si votre concept, parce que là c'était vraiment un parti. C'était imposé par le concept. Ouais. C'était un parti pris vraiment esthétique et conceptuel que je voulais pour la série, mais si on n'a pas cette ambition là de vouloir obligatoirement faire ce genre de plan, oui, privilégier les plans serrés pour avoir... Pour les dialogues, en tout cas. Pour, ouais, faites ce que vous voulez pour le reste. Ou même pour une phrase importante à dire, pour un truc comme exactement. Ça. Aussi envisager ça pour un confort de tournage et de propreté au final, parce que sur ça, même si on fait des trucs sans argent, le but, c'est que ce soit propre au final. Donc aussi privilégier peut-être en amont... les valeurs de plan ou je sais pas les décors pour que votre histoire soit la mieux mise en valeur, c'est ça. Je pense. Et souvent quand l'équipe a réussi par un miracle incroyable d'avoir un super lieu, ce qui arrive assez régulièrement, le réalisateur il a tout de suite envie de faire plein de plans larges parce qu'il faut qu'on profite du décor et faut qu'on le voit. Et du coup sauf que les dialogues ils sont inaudibles parce que on n'a pas fait de plan serré. Donc même si tu les utilises pas forcément au montage final, le fait d'en avoir fait te donne des prises de son qui sont pourquoi pas exploitables sur tes plans larges. Parce que un avantage quand même du plan large, c'est qu'on est loin, donc on voit pas la bouche forcément bouger. Donc tu peux reprendre une prise d'un plan serré au son et la coller sur ton plan large. Et là, tu te sors d'une impasse. Si jamais tu es emmerdé, tu peux t'en mais sortir donc, grâce au son. Découpage, vraiment toujours penser au dialogue plan serré ou au moins plan moyen. Penser son. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à dire sur ton rapport avec les comédiens qui doit être différent d'un machiniste, un régisseur ? Alors moi j'interviens immédiatement. Moi j'ai toujours les ingé-sons, les mecs qui mettent les HF. Sur les fringues des comédiennes, moi je les ai toujours enviés ces gens-là parce qu'ils ont le droit de tripoter les comédiennes. Et je me suis toujours demandé comment tu fais pour aller poser des micros tout petits dans les soutifs des comédiennes sans que tu passes pour un gros pervers. Est-ce qu'il faut un doigté ou alors un phrasé particulier pour mettre en confiance la personne ? Alors déjà, première chose immédiate. On s'éloigne du plateau parce qu'il y a toujours un mec pour faire cette blague-là. Voilà, évidemment. Il y a toujours un mec. Et c'est ce que tu détestes. Tu ne veux pas que pendant ce passage qui effectivement peut être délicat, oui, ouais, c'est ça. Un mec vienne derrière et dire et tu l'as pris pas bien. Voilà. Enfin, ouais. C'est donc, gros bouffe. T'essayes de ne pas forcément être sur le plateau avec tout le monde. Et ensuite, tu restes au moins dans les premiers jours de tournage, parce que l'avantage c'est que tu vas gagner au fur et à mesure la confiance du comédien, donc d'ici à la fin du tournage ça sera vraiment rien du tout. Mais au début tu essaies de simplement rester super professionnel, c'est-à-dire que tu demandes pas à la comédienne que tu équipes comment vont ses enfants et machin. Tout à l'heure, pardon, on prend l'exemple d'une comédienne, mais tu peux comédienne ou comédien. Comédien. Voilà, donc et parfois c'est aussi c'est aussi un là c'est délicat parce que t'es un mec et qu'on parle d'une meuf, mais hétéro, mais pour le coup on s'en fout, enfin tu vas équiper un comédien voilà. Non mais je restais sur l'exemple, voilà, mais bon exemple de gros beau, enfin je précise. Mais non, mais voilà, restons sur un comédien unisexe. Ma technique en fait dans ces premiers moments, c'est donc de pas être trop sur le plateau, de pas non plus être en tête à tête. Pourquoi pas? Parce que si elle se sent mal ou il se sent mal, il faut pas qu'elle soit toute seule avec toi, ça va pas. Et aussi de décrire ce que tu fais, parce qu'en fait souvent c'est un peu mystique. Voilà, je te dis. Voilà, je glisse exactement. Le micro. Exactement. Non, justement, faut jamais décrire ce que tu fais. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, faut pas qu'elle puisse penser ça. Il faut pas qu'elle puisse penser que tu la tripotes pour la tripoter. Tu dis bon ok, donc là j'ai le micro, je vais le passer. Bien sûr que le micro doit être ici. Ouais, je sais pas si le son alors sera parfait. Non, mais tu défends bien le truc, hein. Ça, y a pas de. Non, on a fait briller le truc. Non, il faut qu'il soit ici entre les deux seins, je pense. Non, mais en plus, il faut qu'il soit pas visible par la caméra. Enfin, il faut le cacher en plus. Ah non, mais ce qui est terrible, c'est que le son soit audible, quoi. Ce qui est terrible, c'est que oui, la meilleure place chez une femme, c'est entre les deux bonnets sur le soutif. Oh, merci beaucoup. Hein. Comment vous remercier? Oh, bah, il y a bien une heure à 2 km. Arrête, on va passer pour des beaufs. Jean-Marc, arrêtez là, les vagues sur les gros micros là, les métaphores sexuelles, arrêtez. Ah oui, alors voilà, évitez les blagues reloues par exemple. Évite les blagues reloues, évite d'être tout seul. Reste pro, décris ce que tu fais pour pas qu'elle pense juste que tu la tripotes, c'est-à-dire que tu dois dire bon, je vais te mettre le micro ici parce que c'est le meilleur endroit, parce que blablabla. Bref, décris ce que tu fais et tout se passerait bien. Voilà, en même temps, si en face on a quelqu'un qui est habitué. Ça pose généralement aucun problème voilà, si t'as quelqu'un qui est habitué. La personne, elle sait que tu vas arriver et foutre ton micro de toute façon. Donc, ouais. Et si on parlait de la relation avec le réalisateur, Jean-Marc ? Bah oui, parlons de hiérarchie par exemple. Merci, Sartman. C'est un métier. Non, mais en fait, c'est assez intéressant la place de l'ingénieur du son parce qu'on est à la fois une toute petite équipe, comme je le disais au début, on est souvent soit seul, soit à deux. Au meilleur des cas, deux. Mais au meilleur des cas, deux. Voilà. Mais par contre, on a, d'un point de vue hiérarchique, c'est un peu con de parler comme ça, en France, on a un poste très important qui est l'équivalent de chef opérateur. La particularité de l'ingénieur du son, qui est dans ce cadre-là, donc appelé OPS, opérateur de prise de son, c'est qu'il a un niveau hiérarchique, c'est un peu con de parler comme ça, mais c'est vrai, très haut. C'est-à-dire que si on refait un petit peu la hiérarchie sur un plateau, il y a le réalisateur, le premier assistant à côté de lui, le chef opérateur image, et là, dans son équipe, il y a immédiatement 10 personnes, et au même niveau de hiérarchie, encore une fois, c'est un peu... Le chef opérateur son, sauf que le chef opérateur son, lui, son équipe, c'est deux, voire lui tout seul. Son donc, perchman, lui, il a à la fois une position perchman très haute et à la fois, il est juste simplement très dans son coin. Okay. C'est pour ça qu'on l'oublie, du coup. C'est pour ça qu'on l'oublie. et du coup, il a pas mal de pouvoir, en fait, sur un plateau, parce qu'il est une des seules personnes à pouvoir dire couper. S'il y a un avion qui passe ou s'il y a un problème au son, il peut dire couper. Il me semble qu'il y a à peu près que le réalisateur qui peut dire ça aussi. Et le chef-op. Quelle est la formation que tu suis ? Alors, j'ai fait un BTS audiovisuel option métier du son. Et je l'ai fait à l'ECA, donc c'était une école privée. Ok. Où ça ? Plaine-Saint-Denis. Dans quelle ville ? Plaine-Saint-Denis, enfin à Paris quoi. À Paris, voilà. D'accord, très bien. Et comment t'es arrivé sur le monde de la web-série du court-métrage ? C'est une bonne question. Merci beaucoup. Par une erreur d'aiguillage. Un truc complètement cool. Comment je suis arrivé ? Par hasard, évidemment, comme tout le monde, je pense. Ouais. Je suis arrivé par une association qui s'appelle le VRAC. Ouais. Sur un projet qui s'appelle J-5, auquel aussi le groupe 13 a participé. Tout à fait. Mathieu a réalisé un épisode. Une story arc, quoi. Il y a cinq histoires, et c'était une des histoires. Donc en fait, vraiment complètement par hasard, j'ai contacté Xander, qui a donc réalisé une des parties de J-5. Et elle a eu un énorme avantage, cette web série. Je crois que t'allais dire un énorme succès, j'ai eu très très peur. Putain, j'étais pas au courant. Alors, à défaut d'avoir un énorme succès, qu'elle n'a pas elle eu. Elle a eu un sacré avantage, c'est qu'elle a littéralement fusionné un peu toutes les équipes de web série qui avaient un peu d'expérience à ce moment-là. Mmh, c'est cool. Et donc, je me suis rendu. C'est moche ça. Disponible. Enfin, du coup, j'ai pu passer des coups de main à Purgatoire, notamment, donc pour le groupe 13. Filer des coups de main, peut-être plus. Ouais, voilà, tout ça. Qui est venu dans le podcast, lui aussi. Web série Purgatoire. Tout à fait. Des bref, du groupe 13. Ça a fusionné toutes les équipes techniques et du coup, je travaillais avec le groupe 13, j'ai continué à travailler avec le VRAC, j'ai travaillé avec plein de monde qui, pour cette web série, avait un peu fusionné. Voilà. Alors, et dans le cadre de cette fusion, est-ce que t'as pas un événement marquant, un truc qui t'a, tu vois, interpellé ? Est-ce que j'ai un événement marquant après tout ce que vous avez dit, quand même, il y a Homer. Allez, une petite anecdote, Antonin, allez sort les dossiers, quoi, c'est maintenant. Je dirais que, en fait, le truc, c'est que je sais pas si j'ai une anecdote qui soit vraiment pertinente, outre le fait qu'elle soit marrante ou pas. Mais est-ce qu'elle est formatrice ? Outre le fait que... Non, mais je dirais que, en fait, c'est l'expérience qui est... Enfin, c'est con, hein, mais c'est l'expérience qui est formatrice et l'expérience avec les web-séries. L'avantage, c'est que tu intègres un groupe. Oui, une team, quoi. Ouais. Une team. Et du coup, tu travailles toujours avec les mêmes personnes et du coup, t'as plus peur de passer pour un connard. Tu peux révéler ton vrai visage. C'est un sacré avantage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu te fais vraiment des amis et tu te fais des amis en dehors de ton... Le truc, c'est que tu te fais des connaissances en dehors de ton domaine d'activité, qui est le son, pour moi. Et j'ai appris ce que c'était que faire de la lumière, et j'ai appris ce que c'était que faire du cadre, et j'ai appris... Tu peux apprendre... En fait, ce qui est important quand tu fais du cinéma, c'est pas de connaître ton domaine. Parce qu'en fait, ton domaine, tout le monde s'est formé. Tout le monde est un technicien à peu près correct du son quand il arrive sur le marché et il sait ce qu'il fait. Oui. Ce qui fait la différence, et c'est ça que j'ai appris, c'est de comprendre ce que font les autres à côté de toi en même temps. Parce que le cinéma, c'est un taf d'équipe. C'est tout le monde qui bosse en même temps. Et donc, si tu comprends ce que les gens font à côté de toi et que tu comprends leurs problématiques et pourquoi ils ont besoin de faire ce truc-là et qu'est-ce que d'ailleurs ils vont faire dans l'heure qui suit, bah toi, ça va t'avancer à faire mieux ton taf et tu vas pouvoir mieux les comprendre, tu vas pouvoir mieux communiquer avec eux, tu vas pouvoir mieux communiquer avec le réalisateur et ça va être une énorme aide à ton métier, quoi. Tu peux être le meilleur technicien du monde, si tu sais pas communiquer avec le cadreur ou avec le chef-op, et bah t'es nul. C'est surpuissant là ce qu'il dit. Ah non, mais c'est la très bonne. Là, il résume parfaite. Tout ton podcast en 30 secondes. Non, mais c'est vrai que ton corps de métier à toi, tu le connais, mais tu t'intéresses aux autres, parce que vu que c'est un sport collectif, ouais. Tourner un film ou une web série, c'est génial ce que j'ai. Faut couper cette phrase et en faire des taglines d'un jingle. Un jingle. Je mettrai une musique derrière et ça va passer tout seul. Oui, c'est parfait. Cinéma, c'est parfait. Après, les gens peuvent aussi aller voir La Nuit américaine de François Truffaut, qui résume très bien ce que c'est faire un film. Mais là, c'est super. C'est vrai. Et bien, quand on est fauché, on tourne dans sa chambre. Et voilà, et on fait Citizen Kane dans ta chambre. Voilà, on espère que tout ça d'ailleurs a été. Intéressant à écouter pour vous, et puis des bisous à tout le monde. Rendez-vous au prochain épisode. Bah oui, merci à tous. Oui, c'était cool. Merci Antonin. Ouais, pas de quoi. Merci Antonin. Rendez-vous sur la page 13 pour voir nos dernières actualités. Un petit mot en sus. Le mot de la fin. La fête des films. Faites des films et envoyez-les nous. On veut les voir. Les films que vous avez fait grâce à nos conseils de qualité, on veut absolument voir vos films. Voilà. Moi, je veux pas spécialement. Voilà. On va se quitter sur ça. Merci beaucoup. Un gros bisou et à la prochaine.